chapeau de paille à 7 chevaux. Je suis le patron du réseau. Je me sens seul à minuit pile, seul dans mon radeau. Brunette, tu vois la galère dans mes yeux, ouais, j'avais raison. Ceux qui t'aident des laisseront, ouais, y'a trop de trahison. Et mon cœur fait des va-et-vient, aujourd'hui c'est demain. Je me la repris, je suis devant la lune, à la j'en perds pas peine. Une journée, ça a l'air de cibler, moi j'ai fait le pain. Je regarde le temps, c'est moi les hommes, viens voir, on est plein. La rue, je t'aime, la rue, je te haine, je suis toujours fou, toi, tu veux pas rester en vol guetteur, je te fume tes foutoirs. À 10 ans, comme Bonito, je vois en bas de la Casa, numéro 10, comme ici, on se voyait tous au Barça. Un jour c'est pas grandi, de 20 ans nous pas ça. Je vois les balles qui pleuvent, comment ça va à part ça. Un homme qui tombe, t'inquiète, c'est un homme qui se relèvera. Des larmes sur les joues, t'inquiète, ça, ça passe ça. Je vois que des bâtiments, ben c'est la faute de l'État. Catalina, faut que tu tiennes le Beretta. Aujourd'hui, ben je suis dans tous mes états. Le cœur est franc, on fait chauffer le Beretta. Je vois que des bâtiments, ben c'est la faute de l'État. Catalina, faut que tu tiennes le Beretta. Aujourd'hui, ben, je suis dans tous mes états. Le cœur est franc, fait chauffer le Beretta. Je voyais la daronne crier, pleurer par la fenêtre. Je vais pointer la lune, je fais la basse à l'aveuglette. Un des seuls, un des dalleras, c'est pas moi peut-être. Je suis le producteur, le manager et je te fais ta fête. Pour j'ai investi seul, je prépare les purples. Et ouais, que personne m'appelle, à dedans j'ai croqué l'appel. Maintenant, c'est chacun sa peine, je renvoie tous les appels. Bulmol, c'est un tarant du bel, comme ma famille l'a fait. Vous m'appelle, on fait la belle, la vie sera plus belle. Moi, je vois les anges, moi, je vois leurs ailes, la vie d'éternelle. Pour mes frères, je coupe la dé, moi, je tire sans demander. Arrivant, arrivé, on sera tous condamnés. Un jour c'est pas grandi, de 20 ans ou pas ça. Je vois les balles qui pleuvent, comment ça va à part ça. Un homme qui dope, t'inquiète, c'est un homme qui se relèvera. Des larmes sur les joues, t'inquiète, ça, ça passera. Je vois que des bâtiments, ben c'est la faute de l'État. Catalina, faut que tu tiennes le Beretta. Aujourd'hui, ben je suis dans tous mes états. Le cœur est franc, fait chauffer le Beretta. Je vois que des bâtiments, ben c'est la faute de l'État. Catalina, faut que tu tiennes le Beretta. Aujourd'hui, ben, je suis dans tous mes états. Le cœur est franc, fait chauffer le Beretta. Un jour, c'est pas grandi, de 20 ans ou pas ça. Je vois les balles qui pleuvent, comment ça va à part ça. Un homme qui tombe, t'inquiète, c'est un homme qui se relèvera. Des larmes sur les joues, t'inquiète, ça, ça passera. Je vois que des bâtiments, ben, c'est la faute de l'État. Catalina, faut que tu tiennes le Beretta.